France Culture, il est 16h. Tout de suite, Continent Science, Stéphane Delisgorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques, tous les jours, à 16h, aujourd'hui bien sûr Continent Science, toujours en direct de la Maison de la Radio, de la Maison Ronde, bonjour à toutes, bonjour à tous. À notre sommaire, aujourd'hui, une sorte de grande hypothèse. Un bestiaire qui aura la figure qu'il aura dans 10 millions d'années. Voilà. Donc on va jouer avec deux savants, deux artistes, à une sorte de possible monde dans 10 millions d'années. Et donc pour ce jeu-là, pour dresser ce décor, avec moi, Marc Boulay, il est paléo-artiste. Paléo-artiste. Et Sébastien Steyer, il est paléontologue et il travaille au muséum dans un laboratoire. Mais nous n'allons pas perdre nos bonnes habitudes. Petite tradition d'antenne, tout de suite la chronique animalière. Cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens les acariens. Les acariens, très exactement, une certaine espèce. Carbolo, Lo, Mania, Maima, Philus. Je ne vais pas essayer de la répéter tout de suite, je risque de fourcher. On sait que le phénomène, en tout cas, de symbiose, c'est-à-dire l'association prolongée de deux organismes d'espèces différentes, est, cette symbiose, très ancienne et aujourd'hui quasi indispensable au bon fonctionnement et des individus et des écosystèmes. Actuellement, les acariens sont impliqués dans de très grandes variétés de relations symbiotiques. Ces arthropodes, majoritairement microscopiques, sont connus séparément donc depuis le Dévonien, c'est-à-dire grosso modo 380 millions d'années. Dans le registre fossile, l'observation de leur association avec de plus gros organismes se limitait à des occurrences préservées dans l'ambre. Et relativement récentes, cette fois, nous étions à la date de 85 millions d'années. Notamment du fait de la rareté de spécimens plus anciens suffisamment bien conservés. L'ancienneté et l'origine de ces associations interspécifiques étaient donc jusqu'à présent totalement méconnues. Des chercheurs ont découvert et étudié un acarien localisé sur le thorax d'un représentant disparu du groupe des sauterelles, grillons et autres criquets. Il date du Carbonifère, 320 millions d'années, et provenant de la localité de Xianhehan en Chine. Cet acarien de seulement 8,0 mm de long, exceptionnellement bien préservé, a été analysé en utilisant diverses techniques d'imagerie très très sophistiquées, notamment la tomographie par contraste de phase au synchrotron près de Paris, le synchrotron au soleil. Les données morphologiques obtenues, très détaillées, ont permis de l'identifier comme une nouvelle espèce, je me lance encore, nommée Carbolo, Mania, Maimaya, Philus. L'excellente préservation des spécimens et l'abondance hétérogène, cette fois, des espèces d'insectes environnants indiquent que les individus de ce niveau géologique ont été enfuis très rapidement, suggérant que l'association acarien-insecte existait donc du vivant des deux organismes. De plus, l'acarien se trouve dans une position particulière au niveau de l'aile de l'insecte, soit une position protégée, mais peu adéquate à une activité de charognard. L'acarien se serait alors plutôt situé au niveau de la face ventrale de l'abdomen, moins dur, plus riche en nourriture, ce qui renforce donc l'idée que cette association est effective et effectivement antémortem. Outre la localisation de l'acarien, l'étude de sa morphologie a révélé qu'il ne présentait aucune adaptation particulière renseignant un éventuel parasitisme. Les caractéristiques de l'association observée indiquent donc un cas de ce qu'on appelle savamment la phorésie, c'est-à-dire un type d'association pour lequel le gain pour l'acarien est le transport et la protection assurée par l'autre. L'autre, ce dernier, ne subissant en retour aucun effet néfaste. Ces découvertes montrent que ce type d'association, fréquente notamment au sein des groupes d'acariens les plus diversifiés, a émergé très tôt au cours de l'évolution de ces animaux. Bref, en conclusion, le commensalisme bien tempéré est l'une des lignes majeures de l'évolution. Bonjour Marc Boulet. Bonjour. Bonjour Sébastien Stéhier. Bonjour Stéphane. Alors voilà, nous allons partir faire un voyage dans le futur, 10 millions d'années, et regarder à quoi les petites bêtes ressemblent. Mais on peut peut-être commencer par dresser le décor avant de les regarder, non ? Et peut-être aussi définir votre méthode. Alors méthode, c'est une sorte de biologie spéculative. Vous êtes... Évidemment, preneur de ce mot, vous êtes d'accord avec ce mot, Sébastien Stéhier ? Oui, tout à fait. C'est de la biologie spéculative qui rentre au sens très large dans la science-fiction, mais la fiction très scientifique, puisque il y a le travail essentiel de l'artiste, bien sûr, et la balise, un petit peu le conseil scientifique derrière, en fait, toute cette créativité. Il est sûr, par exemple, pour faire image, que vous respectez les lois d'échelle, puisque on sait très bien que la surface, c'est pas le volume, et qu'il faut des supports très gros. Il y a qu'à regarder les éléphants, il faut qu'ils aient des grosses pattes. On peut pas imaginer un éléphant sur les pointes avec des petites jambes. Donc, vous avez des critères scientifiques maintenus et vous vous obligez à des paramètres sûrs. Oui, c'est vrai que par rapport aux animaux qu'on a inventés sur ce livre-là, la plupart des modélisations ou des créations artistiques reposent avant tout sur la biologie spéculative, c'est une chose, mais elle-même sur la biomécanique et sur la structure osseuse des animaux. Il y a vraiment une construction architecturale osseuse. Et alors, ça se passe comment entre vous deux ? Vous choisissez quelle voie, quel est votre choix à feuilleter ? Là, c'est un univers absolument splendide. Pardon de vous faire des compliments sans flagornerie, le paléo-artiste, c'est splendide, ces animaux-là. Mais comment vous les choisissez ? Comment vous commencez ? C'est qui commence ? Vous regardez l'un l'autre, Sébastien Stéhier. Alors, c'est Marc, en fait, qui commence très souvent. D'habitude, c'est moi pour des reconstitutions paléontologiques, parce que je rentre du terrain, et dans ma besace, dans mon sac à dos, je sors des fossiles que je photographie, je dessine et j'envoie tout ça à Marc. Mais là, en fait, c'est Marc qui imagine une forme plausible, et au contraire, là, je sors mes outils de paléontologue et j'essaie d'identifier, de reconnaître des caractères, un bec, une plume, des poils, des palmes, des griffes, des dents, et de reconstruire en fait à mon tour cette fois-ci l'animal que Marc imagine. Et donc je lui ai fait une fiche d'identité avec un nom de genre, avec un nom d'espèce, et je le rattache à un groupe existant et j'essaie de reconstruire, c'est un lapsus, mais d'inventer plutôt une évolution possible. Oui, reconstruire, oui, de construire pour le futur. Alors évidemment. Il y a une sorte de rigueur scientifique, mais vous êtes face à quelque chose qui est une contrainte terrible, et puis en même temps qui est une liberté absolue, puisqu'on peut considérer que indissociablement, la théorie de l'évolution couple le hasard et la nécessité. Et en tout cas, la biodiversité vient bien évidemment du hasard, de l'aléatoire. Après, quand la réussite est là, c'est que le crible adaptatif a été passé. Donc, vous êtes dans la nécessité du hasard, comme disait un invité récent, Alain Pavé, qui inversait la chose par rapport au hasard et la nécessité de Monod. Oui, et donc, vous faites des prospectives, d'une certaine manière. Là. Oui, c'est ça. On est vraiment dans la spéculation. On n'est pas dans la prédiction. Hein. On ne peut pas, prédire l'évolution des espèces. Bien heureusement, d'ailleurs, parce que ça serait triste. Tout simplement parce qu'il y a trop de paramètres qui rentrent en compte. Le climat, le hasard, la loterie de l'hérédité, la disponibilité en matière nutritive, la pression de compétition, des météorites qui nous tombent dessus de temps en temps. Voilà, donc en fait, on ne peut pas modéliser l'évolution des espèces à grande échelle, surtout sur 10 millions d'années, qui est notre postulat, enfin notre hypothèse de base. On se projette dans 10 millions d'années et on imagine en fait une biodiversité probable ou improbable de ce futur. Alors on va essayer de dessiner le cadre d'abord général pour voir dans lequel vont évoluer, puisqu'on va d'une certaine manière décrire ce monde, cette Terre, à partir d'ailleurs, on va le voir tout de suite, on va le mettre en acte avec ce que vous allez apporter comme information, appuyer aussi là sur une situation réelle, actuelle, évidente pour ceux qui ne sont pas climato-sceptiques, et c'est à partir de ça, ce cadre-là. 10 millions d'années, première chose, l'homme a disparu. Exit homo sapiens sapiens. Oui, par rapport à ce principe-là, c'est un constat de départ. Ce livre-là, donc c'est un scénario parmi des milliards possibles, parmi une infinité de scénarios possibles. Donc il fallait qu'on ait des postulats de base. Et le premier qu'on a développé, c'était partir du postulat suivant, c'est que l'homme a disparu de la surface de la Terre pour une raison X ou Y. On voulait surtout pas rentrer dans des explications parce que d'autres auteurs l'ont fait. Et puis, on voulait pas se perdre dans des contingences religieuses, politiques ou philosophiques. C'était pas le propos du livre. Mais par contre, ce qui était vraiment intéressant là-dessus, c'est qu'on voulait vraiment mettre le doigt sur le fait que l'évolution a commencé bien avant l'homme, qu'elle continuera bien après l'homme. On voulait vraiment que les gens prennent conscience que l'homme n'est pas au centre de l'univers. Oui. Alors, on peut tout de suite partir de l'actuel, hein. L'océan couvre plus des 2/3 du globe. C'est quelques 360 millions de kilomètres carrés. Et qui donc est alimenté par les précipitations, par les fleuves, par la fonte des calottes glaciaires. Tiens, elles fondent vite. Hein. Et le niveau aujourd'hui de la montée des eaux est de 3 mm. Ça, c'est les chiffres du GIEC. Donc, évidemment aussi, dans le spectacle animé, il faut mettre la technique des plaques. Parce que là aussi, ça va bouger. 10 millions d'années, il va y avoir quelques petits changements. C'est que, grosso modo, très régulièrement, la plaque qui monte, donc, et qui a formé le sous-continent indien, Madagascar quitte l'Afrique. On peut donner ça comme exemple. S'il fallait continuer, donc, qu'est-ce que vous rajouteriez dans la tectonique, Sébastien Steyer, du point de vue des mouvements de subduction? Eh bien là, en fait, 10 millions d'années, Méditerranée. Dans 10 millions d'années, c'est bien. En fait, les seules données scientifiques sur lesquelles en fait on peut se baser pour faire cette prospective ou cette spéculation, puisqu'il existe des modèles par contre de tectonique des plaques. Donc là, au lieu d'appuyer sur moins de 150 millions d'années et de voir le visage de la Terre qui était la Pangée à l'époque, tous les continents étaient regroupés, on a cliqué sur plus 10 millions d'années avec exactement les mêmes modèles et puis on a observé que l'Afrique continue finalement sa petite remontée vers le nord, créant déjà les Alpes, il y a plusieurs millions d'années. Hein, et donc l'Afrique va continuer tranquillement jusqu'à la fermeture quasi complète de la Méditerranée. Donc on peut parler de continent eurafricain, oui, ou eurasiatico-africain, oui, en fait, puisqu'on va avoir un amalgame entre Afrique, Europe et Asie. Une sorte de Pangée nouvelle, à sa manière, quoi. Alors, si on regarde les chiffres, là, parmi les plus alarmants, il y a, et c'est important, acidification des océans. Alors là, ça a des conséquences sur, en particulier, de la chaîne trophique. Pourquoi? Venons-en au carbonate. Je crois que ça peut être un détail intéressant, Sébastien Steyer. Oui, du coup, en fait, on a imaginé une vie marine riche, toujours aussi riche, même si aujourd'hui, malheureusement, à cause de l'homme, elle se porte de moins en moins bien. Dans 10 millions d'années, on a essayé de lisser dans ce scénario-là l'impact de l'homme jusqu'à une espèce de retour à l'équilibre. Bon, cela ne minimise pas, en tout cas, notre action actuelle sur la biodiversité. Plusieurs collègues et la majorité en fait des collègues biologistes parlent de sixième extinction, c'est peut-être pas pour rien. Donc on voulait aussi dans ce livre, je pense que c'est aussi un leitmotiv très important pour Marc, pour l'artiste, on voulait montrer que, attention, il n'y a pas d'homme dans notre scénario, mais finalement il n'appartient qu'à nous aujourd'hui de faire en sorte qu'on sera peut-être là, espérons-le, dans 10 millions d'années, pour contempler cette biodiversité possible. Il y a une question d'importance, mais que je pose pas tout de suite. C'est de savoir si peut surgir, peut émerger de façon encore plus conséquente, quelque part, un cortex, qui serait un néo-néocortex de 10 millions d'années anticipé, et qui serait capable, par exemple, d'avoir une auto-réflexion, la conscience de soi-même. Ce sera peut-être un cyborg, on n'en sait rien. Bon, alors, continuons. On peut peut-être tout de suite prendre un exemple parce que dès le début, on tombe sur... Vous partez d'un poisson-chat. Qu'est-ce qui a décidé de la chose ? Le poisson-chat qui va se transformer avec et qui va avoir une moustache bifide. C'est étrange, c'est un poisson-chat qui vient, là-bas, il vient d'une rivière brésilienne, c'est ça ? Oui, alors, en fait, quand j'ai reçu ce poisson osseux du futur de Marc, en 3D, hein, il m'envoie tout de suite des fichiers en 3D, je me suis dit, oula, à quelle espèce, à quel groupe de poissons osseux ? Bon, si c'est vraiment un poisson osseux, cette bestiole appartient. Donc là, j'ai fait un petit peu des observations un peu plus... précise, j'ai observé que ce poisson osseux a des plaques. Bon, je me suis dit, ça peut pas être un placoderme, parce que les placodermes, c'est un autre groupe de poissons cuirassés, mais qui a disparu il y a plusieurs millions d'années, donc l'évolution étant irréversible, on peut pas faire réapparaître des espèces éteintes, contrairement à certains fantasmes, en fait, de collègues. Mais par contre, j'ai repéré des caractères, notamment ces espèces de moustaches que Marc avait fait exubérantes. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant, on va placer ce poisson-chat du futur en milieu, cette fois-ci, océanique et non plus d'eau douce. Et même en milieu profond, parce que ça m'a fait penser à ces espèces de baudroids fantastiques qu'on observe à l'heure actuelle. Avec des grands leurres. Voilà, avec des tronches impossibles, des dents super longues, des lanternes pour attirer en fait les proies. Oui. Un dimorphisme sexuel incroyable, puisque certaines finissent, de ces baudroies des abysses, à avoir les mâles qui... voilà, c'est ça, mais dites le mot. Tout petit, accroché à la femelle, voilà. Pour la vie. Quoi. Définitivement, ça devient des sacs de sperme. Je sais pas. Donc, ça devient des sacs de spermatozoïdes, et il y en a parfois plusieurs. Passons. Alors donc, les moustaches, et puis l'électricité aussi. Et parfois l'électricité. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on reçoit ces documents en fait en 3D de Marc, c'est que il va jusque dans le détail de la texture, de la structure de l'animal. Et j'ai repéré des espèces de lampions latéraux le long du corps, en plus des moustaches. Donc on peut imaginer des espèces de feux d'artifice océaniques, des communications entre espèces, entre mâles, entre femelles. Et donc je me suis régalé en écrivant ensuite ce petit texte qui correspond au premier chapitre en fait du livre Dans les océans. C'est facile pour vous de donner sa définition binomiale ? Stégoïctis, stégo c'est la plaque, hein, stégosaure, ce sont les fameux dinosaures avec des plaques sur le dos, et ictis en fait c'est le suffixe propre au poisson. Ça c'est le genre. Voilà, et luminosus parce qu'il est très lumineux, donc parfois je suis pas allé chercher trop loin, parfois on s'est un petit peu amusé avec Marc en faisant des petits clins d'œil à d'autres auteurs de science-fiction. Il y a une espèce de plante magnifique, plutôt connue en Asie, en fait, dans 10 millions d'années, qu'on a appelé Miyazaki, en l'honneur de Miyazaki, le fameux et talentueux dessinateur de manga. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorge. Suite donc de cet exercice de biologie et de bestiaire futurible, mais tempéré, conduit, argumenté, bien évidemment, paramétré. Allez, on va dire le mot. Alors, là encore... vous allez plus loin parce qu'il y a une vraie magie, mais cela dit, ça fait toujours quand même une petite connexion. Alors ça va être très différent selon le lecteur et selon sa petite culture. Mais il y a des pieuvres qui sont capables de jeter, non pas des voiles d'encre, ça c'est le coup classique de dissimulation pour la fuite, mais d'aller plus loin. Elles sont d'ailleurs venimeuses, celles-ci, elles sont toutes colorées et elles envoient un nuage parfaitement lumineux, magnifique. Est-ce que vous les connaissez? Vous les voyez? Oui, ce sont les robots sépia. Alors, robots, bon, je ne vais pas vous faire un cours de grec ou de latin. Non, robots, non, en fait, on peut arrêter pour les dîmes. Voilà, et en fait, ce sont des sèches du futur que Marc a imaginé et que je me suis amusé à rendre complexe, en fait, en termes d'éthologie, c'est-à-dire de comportement, en me basant aussi sur ce qu'on connaît des céphalopodes actuels. On observe dans la nature, chez ces bêtes-là, des comportements assez bizarres, des jeux. La pieuvre, par exemple, fait du land art sous-marin. Elle prend des cailloux, elle les superpose les uns sur les autres, et ça sert absolument à rien. Alors nous, quand on voit ça, on se dit, mais comment quelque chose est façonné et créé par un être vivant, et comment ça se fait qu'il puisse ne servir à rien? Dans notre esprit consumériste et dans nos sociétés, c'est très impensable, en fait. Mais est-ce qu'on peut dire Sébastien Steyer, que il y a quand même des expériences qui ont démontré qu'il y avait apprentissage par la vue entre entre deux pieuvres, par exemple. L'une est regardée, celle qui est regardante voit que la regardée est en train... Allez-y. Oui, c'est pour ça qu'on a développé aussi un langage de communication très développé chez les céphalopodes, en tout cas chez les rhombosépias, un mode de communication très visuel basé justement sur un changement spontané de la pigmentation. Donc on a fait une planche en fait, qui doit faire double page. Elle est magnifique. Il y a tout un panel justement de couleurs qui correspondent à des expressions que ces sèches du futur ont développées. Alors, dans les conditions générales de cet océan, puisque nous y sommes encore, et que vous avez dit, Sébastien Steyer, que ça serait, là encore, un des éléments composants de la Terre extraordinairement important, et en particulier, vous dites qu'il y aura un développement très important du monde abyssal. On va... donc explication, on connaît la fosse des Mariannes, 11 000 voilà, mètres. Voilà, en fait c'est plus une fascination des grandes profondeurs qui nous sont encore très inconnues, très très inconnues. On connaît finalement plus la surface martienne ou lunaire que la surface des grandes profondeurs et des plaines abyssales de notre propre planète. Et à chaque fois qu'on envoie un bathyscaphe équipé d'une caméra, on tombe sur quoi ? Sur du kraken, sur des poissons avec des tronches bizarres dont on parlait tout à l'heure, des oasis de vie au bord de rifts et de fumeurs noirs qui sont au centre en fait de l'Atlantique par exemple. Et donc à chaque exploration, à chaque plongée, c'est vraiment une grosse claque. Et ça a excité l'imagination de Marc, de l'artiste, et j'espère que ça se ressent dans le livre. Ben oui, oui, bien sûr. Vous connaissez le crabe Yeti avec qui est tout blanc, qui est albinos. Non, vous l'avez pas vu celui-ci. Si, vous l'avez pas raté. Bon, il est absolument incroyable celui-là. Hein, et il est près des oasis sous-marins dans ce cas-là. Alors. Quittons l'océan un instant, on reviendra après avec la population, parce qu'on va aborder en particulier deux animaux absolument extraordinaires, dont un qui est totalement vilain, mais alors celui-là, il est très très vilain, il me fait peur. Ça ressemble à quoi ce continent ? C'est constitué, d'abord il y a une mer qui porte un nom. Sébastien Steyer, vous l'avez... Oui, la mer de Russell, c'est un petit clin d'œil à un collègue paléontologue, monsieur Russell, qui est un des premiers en fait à avoir traité de uchronie évolutive. Alors c'est pas un gros mot, uchronie, c'est en fait une sorte de jeu intellectuel. Et si on réécrit l'histoire, alors là on réécrit pas l'histoire humaine, on réécrit l'histoire de l'évolution des espèces. Et Del Russell, dans les années 70, je crois, a imaginé un dinosaure. Si ce dinosaure-là ne s'était pas éteint il y a 66 millions d'années. Oui. Alors, petite parenthèse aussi, vous ne croyez pas, et vous le dites à plusieurs reprises, à ce qu'on peut appeler certaines lois de l'évolution. Je pense par exemple à la loi de Cope, ou à d'autres, qui... Vous n'y croyez pas ? Bah, c'est pas Sébastien Steyer, hein. C'est pas une, comment dire, c'est pas une question d'y croire ou pas. C'est que ces lois-là, vous l'admettez pas. Ce sont des observations statistiques qui sont finalement facilement démontables, parce qu'il suffit en fait de tourner le prisme et le spectre sur un autre groupe pour observer le contraire. Oui. Donc en fait, bon, statistiquement, en moyenne, à la louche, ça peut se passer comme ça. On observe des variations de taille en fonction de la latitude. C'est ça, par Mais exemple. Mais parfois, quand on creuse dans le détail d'autres groupes, ça marche pas du tout. Oui, l'allométrie n'est pas pure raison, c'est vrai, c'est souvent ça. On l'observe, l'allométrie, plus au cours de la croissance. Oui. Chez nous, chez l'être humain, le nourrisson a une tête énorme par rapport au reste du corps, et puis il y a une réduction proportionnelle du volume et de la masse, en fait. Et du coup, de la consommation énergétique du cerveau. Je crois que le cerveau, chez le nourrisson, c'est 20% de l'énergie consommée. Bien sûr. Pour le fonctionnement, donc c'est peut-être. Oui, et pour l'adulte aussi, beaucoup. Hein. Ça dépend des adultes. C'est pour ça que certains restent des grands enfants. Oui. C'est votre aphorisme, là maintenant, Marc Voulet. Alors, Si donc il faut décrire maintenant ce continent, est-ce que je peux dire, pour vous lancer, et chacun répondra, c'est une fois qu'on a quitté la côte, parce qu'on se promène vraiment hein, avec vous à vous lire. Évidemment, on est enthousiasmé par la beauté des dessins, mais vous arrivez donc, vous êtes sur une côte de cette mer, et puis bah vous allez pénétrer, et là on va voir une alternance, dites de Sébastien Steyer, de quoi et quoi, de plein aride. Oui, de plaine aride, de désert, de montagne, de steppe quand on va s'enfoncer un peu plus en profondeur dans ce continent nouveau. Et on est un petit peu comme des explorateurs. J'ai essayé d'écrire une narration où on est un petit peu en immersion. Alors dans l'eau au début, bien sûr, et puis ensuite on échoue presque sur le rivage parce qu'on a rencontré des trucs bizarres et puis on essaie d'explorer un peu comme des naturalistes perdus dans le futur, cette faune et cette flore particulière. Sûr. Mais dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez donner une indication de plus, c'est-à-dire que cette alternance... Alors évidemment, il y a des mangroves très importantes aussi, donc qui sont des lieux... on ne peut plus précieux de biodiversité, de hotspot concernant les espèces. Donc il y a des mangroves, il y a des forêts, et puis ces zones qui sont comme des savanes d'une certaine manière, avec une faune à chaque fois différente. Ça, vous le visionnez comment et vous l'interprétez comment, Marc Boulet ? La terre où vous allez installer vos créatures. C'est avant tout un voyage, donc c'est un voyage que moi je fais quasiment tous les jours, en vrai dire, dans ma tête. Je vous assure, je vais beaucoup mieux. Le problème, c'est qu'on m'a laissé sortir aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce sont des voyages que je fais en permanence tout le temps. C'est vrai que je me force aussi à rêver mes images. Enfin, c'est quelque chose que c'est vraiment une invitation à un voyage temporel pour le lecteur. Et c'est vrai que par rapport au travail que Sébastien et moi on fait sur la paléontologie ou sur la biologie spéculative, c'est vraiment une question de curseur par rapport à la machine à monter le temps. Soit on va dans le passé, soit on va dans le futur. Mais c'est vrai qu'avant tout, rien ne peut être fait correctement si on n'a pas une bonne observation du temps présent. C'est vrai que le temps présent, c'est le temps vraiment furtif et c'est le seul qui est le plus important, à vrai dire. Si on comprend pas vraiment ce qui se passe au présent, c'est difficile de réfléchir sur le passé ou encore plus de penser à l'avenir. C'est vraiment une prise de conscience permanente au quotidien. Mais c'est vrai que c'est vraiment des univers qu'on a inventés et qui sont réellement en 3D. C'est que, hormis le fait que je les rêve en permanence, que je me promène dedans en permanence, c'est que comme ils sont en 3D, on peut vraiment balader la caméra et on peut se promener partout dans ces univers. Oui. Vous avez travaillé avec un Britannique, je ne me trompe pas. Hein. Oui. Son nom m'échappe parce que Dougal c'est Dixon. Ouais. Oui, Dixon. Et donc, il a une entreprise aussi... Qui est analogue à celle que vous poursuivez. Hein. Donc au moment où vous avez travaillé avec lui, c'était encore une fois sur des animaux imaginaires. Oui, c'était de la biologie qui était spéculative. C'est ça, ouais, biologie spéculative. Dougal Dixon est un peu le père de la biologie spéculative. Et c'est un peu lui qui en est vraiment l'initiateur, qui a osé, un des premiers qui a osé sérieusement à se pencher sur ce genre de questions. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler avec lui pendant quelques temps sur un film et dont il était l'auteur des animaux. Et c'est vrai que depuis cette expérience-là, j'ai eu de cesse que de penser à ça. Je trouvais que l'idée était vraiment osée, ambitieuse et puis extrêmement riche à tout point de vue au niveau de toutes les sciences. On pourrait retrouver toutes les sciences dans cette biologie spéculative. Et ça a mis 5 ans à mûrir après le final cut du film. Ça a mis 5 ans et puis au bout de 5 ans, j'ai appelé Sébastien et je lui ai dit, écoute, j'ai une idée sur les animaux du futur, mais si je pars seul dans cette aventure-là, je vais faire des Pokémon, donc il faut vraiment que j'ai un cadre scientifique. Et c'est vrai aussi que par rapport à mon travail, plus j'ai de contraintes scientifiques, c'est un paradoxe, hein, plus j'ai des contraintes scientifiques, plus je me sens libre au niveau de l'imagination. Ah oui. Et j'essayais sans, hein, donc je vous assure que c'est bien pensé. Et sans contraintes scientifiques, je deviens un artiste, quoi, un vrai. Oui. C'est-à-dire, je fais n'importe quoi. Mais ça peut être très beau. Non, mais là, l'exercice. C'est relatif après. Oui, non, mais là, une fois qu'on a admis ce principe et cette méthode de biologie spéculative, vous jouez le jeu avec des règles qui sont très serrées et très correctes. À la limite, ça peut ressembler aussi, c'est l'idée qui me vient, à certains exercices de ceux qui sont pour une théorie de la littérature qui s'appelle, je trouve plus le mot, mais ceux qui font des écritures ou des pages d'écriture sans utiliser le « e ». Ah oui. Hein, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai un trou, peu importe. Alors je reviens juste, parce que c'est joli aussi, et qu'il y a là une attitude, je reviens, il y a une attitude sociale. Je reviens sur l'exemple donc de ces poissons à moustache, les poissons-chats, dans l'avenir, ils ont une jolie pratique parce qu'ils sont électriques. Et puis, qu'est-ce qu'ils font quand il y a une proie ou au contraire, quand ils veulent ne pas être proie, Sébastien Steyer? En fait, ils se regroupent quand ils chassent en fait en banc. Ils essaient d'entourer en fait leur proie et là ils mettent en connexion leur petite, enfin leur longue même moustache et ils balancent en fait de l'électricité comme c'est le cas déjà chez plusieurs groupes de vertébrés aquatiques hein, que sont les poissons. Donc on est l'anguille qui il y a une anguille dite anguille avec les guillemets qui a une décharge terrible. Et voilà, qui chasse en solitaire aussi. Oui. Et là en fait on s'est dit bon on va les faire en pas en meute mais en banc. Pour décupler encore plus le voltage et l'électricité, la puissance en fait électrique pour électrocuter d'autres proies plus petites, mais qui peuvent être aussi en banc. Et en fait, on a repris un petit peu des observations qu'on trouve sympathiques qui existent dans la biodiversité actuelle et que l'on observe aussi dans le passé de la Terre. On parle beaucoup de convergence évolutive. Mmh. On a repris aussi, j'aime pas trop le mot, mais c'est pas un principe, mais cette observation que plusieurs groupes qui n'ont rien à voir entre eux, que ce soit par exemple des mammifères, des oiseaux, des reptiles ou autres, lorsqu'ils sont aquatiques, ils peuvent éventuellement avoir la même silhouette. Hydrodynamique justement pour pas nager en rond pour voilà il faut qu'il le requin baleine il ressemble à une baleine voilà par exemple le requin baleine quand on prend en fait un dauphin le cas d'école c'est le dauphin oui. L'ichthyosaure le reptile marin qui c'est vivait ça. Dans les océans à l'époque des dinosaures et puis le poisson osseux accélérateur classique genre le thon ils ont la même silhouette de loin or quand on regarde le squelette c'est trois groupes complètement différents oui. Ah, pour revenir juste un instant à cette espèce d'organisation du banc et qui devient cylindrique, on a des exemples hein, et qui sont des exemples donc coopératifs parce que on voit très bien et c'est très étonnant un balai tout à fait synchronisé de poissons qui tournent tous en même temps d'un seul coup, qui organise un nuage. Et qui, alors maintenant on le sait de plus en plus, il y a des phénomènes sous-jacents. Alors c'est très savant d'autocriticalité pour l'organisation et c'est très futé comme manière de fuite pour embrouiller le prédateur en particulier. Oui, c'est ce qu'on appellerait presque l'intelligence collective, qui nous manque à nous peut-être notre espèce, parfois, souvent, mais en tout cas qu'on observe assez clairement dans le monde animal. Je pense aussi par exemple aux insectes sociaux. Une fourmi isolée, bon, c'est pas très très intelligent. Et encore, tout dépend de ce qu'on appelle vraiment, ce qu'on définit intelligence. Mais une colonie de fourmis est capable, ou de termites, est capable de faire des merveilles, ne serait-ce qu'en termes de ce qu'on appelle les bioconstructions, c'est-à-dire les termitières elles-mêmes ou les fourmilières. Où il n'y a pas d'architecte, où il n'y a pas un chef qui dit allez regroupez-vous, mais c'est par des itérations de manipulation, par exemple de sable mouillé, qu'on arrive à faire des arches. Exactement. C'est ça. Oui. Oui. Eh bien voilà, passé le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science, nous repartons très très vite dans le futur, dans 10 millions d'années, toujours en compagnie de Marc Boulet, qui est paléo-artiste, et de Sébastien, c'est-à-dire qui est paléontologue tout court. Alors, il y a une bête qui m'a fait très peur après le moustachu, hein, c'est le têtard géant des profondeurs. Alors, description, parce que ça taille déjà. C'est pas une ablette, c'est le cas de le dire. Alors, c'est un amphibien, en fait, une grenouille, qui a gardé un petit peu la morphologie d'un têtard, quand même assez modifié, et qui fait, pour les femelles, 40 mètres de long. Mmh. Alors, on peut crier au blasphème, mais en fait, on est quelques mètres de plus que la plus grande baleine bleue, en fait, le rorqual bleu jamais mesuré, 33 mètres, le record. Bon, 40 mètres, c'est pas aussi monstrueux que ça, surtout que tout corps plongé dans un liquide ressort mouillé, et que la poussée d'Archimède aide justement à atteindre évidemment des masses en fait considérables. Quand on est une orque, il vaut mieux pas se précipiter sur la plage, autrement on peut pas redescendre, si on s'y prend pas bien avec le sac et le ressac surtout. Voilà, et là, ce qui est intéressant, c'est que Marc a imaginé un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire des femelles énormes, 40 mètres, et puis des mâles plus petits, qui vont essayer de la charmer, de s'accoupler, et qui vont utiliser, enfin se nourrir en fait de ces petits poissons osseux à plaques dont on a parlé tout à l'heure, comme une sorte de krill en fait du futur. Oui. Alors évidemment, là, petit détail, revenons au temps présent, c'est une des caractéristiques essentielles hein, de constater qu'après l'acidification des océans, il y a quelque chose qui vient se conjuguer à ça et qui fait que, évidemment, ce qui est le départ de pratiquement toutes les chaînes trophiques, hein, c'est-à-dire, on peut penser aux krill, mais on peut penser au zooplancton, on peut penser au phyloplancton, ça risque de tourner très très mal, assez rapidement là encore, hein, dans notre actualité immédiate et pas dans 10 millions d'années. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment vous posez le problème, en particulier donc du démarrage des chaînes trophiques? Quand il y a un gros vilain têtard géant de 40 mètres, il mange quoi? Il mange justement, il filtre en fait ce plancton, ce zoo et ce phytoplancton du futur, mais qui sera plus malheureusement identique à celui d'aujourd'hui à cause de tous les problèmes que vous avez cités et qui sont réels. Et donc on a en fait finalement les chaînes trophiques restent grosso modo les mêmes, comme elles étaient en fait assez pérennes dans les temps géologiques de la Terre. Répétons, un chaîne trophique, c'est la cascade des proies et des... quel est l'inverse? Des prédateurs, excusez-moi. Des proies et des prédateurs. Et donc, c'est une sorte de cascade qui monte du plus petit vers le plus gros. Les plus grands prédateurs sont tout en haut. Et généralement les plus vite affectés d'ailleurs quand ça se passe mal. Bon, alors, reprenons. Et donc, en fait, ces chaînes trophiques ou ces réseaux trophiques, en fait, on les a remplacés, on les a, on les a conservés, mais on a chaque élément du réseau, de la chaîne trophique est complètement nouveau, a été remplacé en fait l'un dans l'autre. Et finalement, ces espèces imaginées par Marc deviennent plausibles aussi parce qu'elles ont des interactions entre elles. Et ça, c'est une clé de lecture typique en science-fiction. Si vous avez vu Pandora, enfin Avatar, le film, oui, de James Cameron, c'est une faune, c'est une flore exubérante sur cette planète Pandora. On y croit, quoi. On y est, on est dedans, on explore aux côtés des navires, on est dans le film. En plus, c'est en 3D, donc on est d'autant plus immergé. Et on y croit parce que on retrouve aussi des chaînes écologiques, enfin des réseaux trophiques, avec des carnivores, des superprédateurs, des herbivores, des espèces soit qui sont en symbiose, soit qui parasitent d'autres. Et en fait, le monde imaginaire, la fiction devient plausible parce que les relations entre les espèces sont aussi complexes en fait que ce qu'on observe dans la réalité aujourd'hui. C'est là encore un des paramètres scientifiques là qui vient vous aider à titre d'élément. Alors, question, donc vous êtes bridé par les paramètres. Comment est-ce que vous pouvez narrer en quelques mots la genèse visuelle, réelle, en 3D justement, de le gros vilain Bentogynerius giganteus? Alors que ce soit pour lui ou même pour les autres, le principe est toujours le même. Peut-être pas sur le Bentogyrinus, parce que il fait partie, ça fait partie du seul des bestiaires qui a émané du cerveau de Sébastien. Voilà, donc il y tient beaucoup, et comme c'est un ami que j'aime beaucoup, j'ai dit bon écoute, je vais bien plancher dessus. Et rendant voilà, à Sébastien voilà. Ce qui appartient à Sébastien. À Gérinus, ouais. Mais en général, c'est toujours pareil. Enfin, moi, je suis plutôt un contemplatif permanent, oui. Et j'observe beaucoup les animaux, comme tout à l'heure je vous ai expliqué, le temps présent est le temps le plus important. Et en observant les animaux contemporains, donc je peux facilement, avec un peu de travail quand même, les projeter soit dans le passé ou soit dans le futur. Donc avant tout, c'est plutôt un travail d'observation et de patience, voilà, avant tout. De bien regarder, de bien comprendre, sans forcément analyser tout de suite, parce que dès qu'on analyse, on met un peu d'affect, ou on met un peu de culture dessus, donc ça fausse un peu la vision première de ce qui est. Donc c'est un bon exercice contemplatif, sur regarder ce qui est, sans intellectualiser les choses. Quoi. Alors, c'est le dernier, parce que je l'aime beaucoup, c'est comme ça, mais c'est le dernier, en tout cas, qui vit dans le sublime espace marin. Et il y vit vraiment bien, c'est un nageur exceptionnel, mais il se reproduit sur la Terre. C'est ce que pourraient devenir les manchots dans 10 millions d'années. Donc voici apparaître les Neopygus cellis dentatus, ou le manchot ichthyosaur. Oui, je l'ai eu. C'est un manchot qui, en fait, ne remet même plus un pied sur la banquise pour pondre. Oui. Donc du coup, Marc lui a fait une silhouette de reptile marin, de type ichthyosaure, avec des nageoires, des ailes plutôt, hein, des ailes qui ont une forme de rame, un petit peu comme le manchot actuel, mais un peu plus élargi. Oui. Il a un petit peu poussé à l'extrême certains traits adaptatifs, finalement, du manchot actuel, qui est excellent en nageur. Et il en a fait une espèce d'oiseau ichthyosaure avec une réactivation de gènes dinosauriens qui est encore présent chez les oiseaux et qu'on peut réactiver de temps en temps. C'est pour ça qu'on observe des becs cornés. Alors il n'y a pas vraiment... Ça, ce détail est extraordinaire. Voilà, du coup, ça fait des espèces de becs sécateurs qui sont des outils précieux pour ces bestioles-là. Mais ça a existé. Il y a eu des dinosaures qui ont eu ça, hein. Oui, tout à fait. En fait, les dinosaures étant très proches des oiseaux, ou plutôt les oiseaux, oui, étant des petits dinosaures, enfin petits, des dinosaures des à plumes, oui, les oiseaux, il y a quelques millions d'années en arrière, avaient des dents. Du coup, des dents, des griffes, une queue, ce qu'ils ont perdu aujourd'hui. Et ils ont gardé, en fait, cette possibilité en mémoire génétique, si je puis dire, de réactiver, en tout cas, certaines proto-dents. Alors, c'est pas des vraies dents, mais on observe que de temps en temps, le bec est corné chez les oiseaux actuels. Et Marc a utilisé, bien sûr, cette donnée-là pour imaginer ce manchot, ce Neopygocélis. Alors là encore, pareil, hein, c'est-à-dire qu'il y a des coordonnées, quand on observe les manchots, évidemment, d'ailleurs ça serait un problème équivalent pour tous les pinnipèdes, c'est qu'il faut pouvoir plonger et rester longtemps sous l'eau, donc avoir des capacités d'apnée, et puis aussi d'avoir des capacités de résistance à la pression. Ils plongent très profond, les éléphants de mer, c'est vertigineux, c'est plus de 3000 mètres, hein, et il faut qu'il y ait une circulation sanguine très adaptée. Est-ce qu'on peut décrire avec plus de détails, puisque vous le faites, pour montrer qu'il faut... Là encore, c'est presque aussi un cours de biologie à vous suivre, aussi, il y a cette dimension-là, hein. Évidemment, découvrir cet espace de rêve artistique, mais aussi, alors, c'est curieux, parce qu'il y a déjà, en particulier, quelque chose qu'on appelle le réticule miraculeux, ou le réticule miraculeux, oui, je crois que c'est... D'ailleurs, les girafes en ont un, pour le cortex, hein, c'est un réseau veineux, et qui leur permet, dans le cas des girafes, on va y revenir d'ailleurs, parce que vous avez des drôles de girafes, on va monter sur la Terre, hein, vraiment des girafes... étonnante, permet de baisser la tête très très brutalement sans tomber dans les pommes. Tout à fait. Hein, et donc, il faut un réseau sanguin, un lien particulier pour transporter l'hémoglobine correctement. Voilà, c'est ce qu'on observe en fait actuellement, et peut-être que les espèces disparues étaient équipées de ces adaptations aux grandes profondeurs. On observe chez les cétacés, chez les pinnipèdes, chez les grands plongeurs en général, mais qui font de l'apnée, hein, qui ont une origine terrestre et donc qui sont réadaptés au milieu aquatique, on observe un réseau de veines, un réseau sanguin très développé au niveau de certains organes vitaux pour irriguer le cerveau et les nageoires lors des grandes plongées à plusieurs milliers de mètres. Pour lutter contre le froid et contre les pressions énormes là-bas. Dans le cas de l'éléphant de mer, c'est 80 minutes d'apnée. Et en plus, ça devient un auxiliaire, puisque maintenant, les Français sont très bons là-dedans, et qu'ils reviennent toujours au lieu où ils sont nés, les éléphants de mer, donc en particulier à Kerguelen, on en équipe. Et là, ils donnent des informations, ça devient presque d'une science auxiliaire, hein, cette zoologie-là. Ils donnent des informations sur le courant circum-antarctique de manière permanente. On en a suivi, j'ai suivi un de ces petits pépères, si je puis dire, de 3,5 tonnes, dans ces pérégrinations marines. C'est étonnant. Et en fait, Marc, puisqu'il imagine aussi la morphologie, bien sûr, mais la physiologie, a fait une espèce de copier-coller, en fait, puisqu'il a pris des caractères existants chez d'autres groupes qui sont d'excellents plongeurs actuels et qu'il a, en fait, appliqué à son manchot du futur. Alors, on monte sur Terre. Non, on va aller dans les airs, tiens. Parce que là, il y en a deux absolument extraordinaires. Bon, il y a la chauve-souris qui est carrément acrobate. Je vous laisse dire son nom. Velocipterus acrobatus. Merci Marc Boulet. Et bah vous allez le décrire, tiens, à quoi il ressemble. C'est quand même une chauve-souris. C'est une chauve-souris, c'est un chiroptère. Oui. Dans notre scénario, parce que j'insiste vraiment sur le fait que c'est un scénario, hein, ce n'est pas du tout une prédiction. Hein. C'est bien évidemment, un scénario. Oui, mais... Vous jouez pas les Nostradamus. Non, du tout, absolument pas. Les bestiaires futurs. Non, dans ce scénario-là, on est parti sur trois groupes qui se portent bien aujourd'hui, dont les oiseaux, les céphalopodes et les chiroptères, qui se portent très très bien. Donc les chauves-souris. C'est très, très important. Oui. Ouais. Les proportions, vous les donnez d'ailleurs. Hein, je crois que ce sont les chiroptères sont 20% des mammifères, hein, c'est ça ? C'est le deuxième groupe le plus diversifié, le plus disparate des mammifères après les rongeurs. Hein, c'est ça. Voilà. Oui. D'accord. Et donc, dans ce scénario-là, la plupart des oiseaux sont terrestres. Donc, il y avait vraiment une place à pourvoir, donc étaient les airs, le ciel. Et cet espace-là, disponible, donc, a été mis à disposition des chiroptères, qui se sont donc développés d'une certaine façon. Et c'est vrai que, par exemple, sur le Velocipterus acrobatus, qui n'est pas le plus grand, hein, le plus grand, c'est le Gigapterus troposphérus. Ah oui, alors, vous pouvez répéter si vous voulez. Non. Pas de risque. Donc la plupart des chiroptères ont colonisé donc tous les airs, donc dans ce futur probable. Tous les airs. Alors donc là on a pu remarquer Sébastien Steyer qu'il y aurait des abysses océaniques beaucoup plus profondes. Là il va y avoir une situation changée aussi parce que évidemment avec le taux de gaz à effet de serre ça risque de changer les choses en particulier pour la température. Oui. Donc là les paramètres de portance changent. Oui, et là, on observe en fait une augmentation de la température globale terrestre. Et dans 10 millions d'années, par contre, on ne peut pas prédire à la température moyenne actuelle qu'il fera sur Terre. On a lissé, entre guillemets, la courbe, hein, ce qui ne minimise en rien, encore une fois, notre impact sur la biodiversité actuelle, pour atteindre des températures globales moyennes à peu près proches de celles actuellement. Mais on a imaginé ces chauves-souris diurnes, alors que la plupart aujourd'hui sont nocturnes, bien sûr, et certaines capables aussi d'atteindre des altitudes assez considérables, oui. Avec des équipements, des caractères en fait sélectionnés, enfin retenus par la sélection naturelle, qui permettent justement à ces organismes de voler dans les couches supérieures de notre atmosphère. Alors il y a déjà des exemples, hein, vous les donnez, d'oiseaux qui donc de chauves-souris pardon, qui de chiroptères qui montent à des altitudes très très importantes. Oui, elles peuvent monter assez haut et dans notre scénario, la plus grande est équipée d'espèces de cellules en fait photovoltaïques qui permettent justement à l'animal d'emmagasiner en fait la chaleur le jour pour pouvoir planer tranquillement, redescendre en tout cas sans se casser la gueule la nuit, et puis rebelote. Ensuite, elle reprend un courant ascendant spiralé très important au niveau des côtes et elle remonte. En fait, comme ça, elle fait des allées-venues en fait entre le jour et la nuit. Et ces espèces de cellules photovoltaïques sont présentes au niveau du patagium, c'est-à-dire de la membrane en fait, la membrane alaire de la chauve-souris. C'est un petit peu le solar impulse du futur, mais version organique, quoi. Oui. D'accord. Et pas biomimétique, bien ouais. sûr. Et donc à imaginer aussi que alors évidemment, on a vu que vos néo manchots sont totalement pélagiques, hein, ils retournent plus sur terre. Bon, il y a une pétrelle vilaine, hein. Moi d'ailleurs j'ai peur des pétrelles, hein. C'était terrible parce que ça n'a qu'un souci, curiosité, c'est savoir quand est-ce qu'il va pouvoir dévorer un petit manchot. Mais enfin bon, et c'est un oiseau incroyablement prédateur et féroce. D'ailleurs, le vôtre, il est pas gentil non plus. Et donc, est-ce que il y a cette considération, comme pour le pélagique permanent pour le manchot, d'être toujours dans les airs? Parce que, par exemple, si on pense à certains oiseaux, maintenant, qui ont pratiquement pas de pattes, et qui sont toute la journée et qui font 1000 km par jour, est-ce qu'on peut imaginer un oiseau qui soit tout le temps en vol? Tout le temps. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout n'est pas non plus possible en termes de biologie, mais on peut peut-être pousser à l'extrême certains comportements qui existent déjà. Je ne sais plus quel oiseau actuel est capable de voler pendant des durées assez considérables, mais j'ai presque envie de répondre que ça existe déjà aujourd'hui. Finalement, on n'a pas inventé grand-chose. En fait, on a mélangé des caractères existants qui ont été retenus par la sélection naturelle. On les a copiés-collés sur d'autres groupes qu'on a développés, et soit en poussant à l'extrême certains traits de mode de vie, soit en prenant le contre-pied. Marc a aussi imaginé des chauves-souris terrestres. Uniquement terrestre. Oui. Alors? C'était pour l'emmerder, au fin de compte. Elles volent pas, d'accord. Et alors, elles font quoi? Parce que c'est vrai qu'en général, à chaque fois que je lui envoie un ref 3D, donc une esquisse 3D, donc évidemment, c'est un animal sur lequel je me suis un peu penché, je l'ai un peu étudié, la biomécanique, je pense qu'elle fonctionne correctement, etc. Et je lui envoie un peu comme une farce. Je lui dis avec ça, maintenant, qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire? S'il s'en sort, il est fort. Et à chaque fois, donc, il essaie. Alors, parfois, il me dit non, au coup de la marque, ça marche pas du tout. Donc là, on passe à la trappe, on en fait un autre. Ou alors, on retravaille dessus, etc. Mais à chaque fois, c'est un peu un piège. Donc, je lui balance des choses. Et puis, je vois comment il peut s'en sortir. Donc, c'est vrai que le coup de la chauve-souris terrestre, c'est un petit peu ça. Il y en a d'autres. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Il y en avait d'autres pièges comme ça que je lui ai... Allez, dites encore, puisque vous êtes lancé sur les pièges, les défis que vous lancez. L'oiseau girafe, typiquement. Ouais. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, oula, bon, il y a un bec. Ok, donc c'est du piaf. Mais il y a des pattes avant qui permettent, avec les pattes arrière, bien sûr, de transporter la masse, le poids de l'animal. C'est ce qu'on appelle des membres graviporteurs. Je me suis dit, bon, il y a des oiseaux qui sont terrestres aujourd'hui et qui étaient terrestres hier. Mais il marchait pas à quatre pattes. Il marchait sur deux pattes et puis il y a régression ou pas des ailes. Et là, en fait, Marc a utilisé l'architecture osseuse, le squelette en fait des ailes de certains oiseaux actuels, qu'il a transformé en membre graviporteur avec toutes les contraintes biologiques, biomécaniques que cela implique. Et il m'a envoyé cet exercice-là que j'ai du coup décortiqué. Et puis j'ai imaginé le nom de genre, girafornis, donc l'oiseau girafe, avec des comportements exubérants, des crêtes pour les mâles qui font les beaux pour justement charmer les dames. Détail assez considérable, puisque la girafe, elle fait plusieurs mètres de haut. Et du coup, par effet boule de neige... 8 mètres, 9 mètres. 8, 9 mètres, ouais, oui, c'est... Une tonne. C'est considérable. Ça peut marcher dans le cas des oiseaux, parce que les oiseaux actuels, ils ont des os qui sont creux. Donc, c'est encore une fois retenu par la sélection naturelle. C'est une structure d'allègement. Donc, pourquoi ne pas imaginer des oiseaux géants, mais assez en mode light? Et puis des comportements aussi intéressants avec une croissance accélérée aussi. Parce que si vous êtes grand, une fois adulte, bien sûr, vous allez pouvoir lutter un peu contre les prédateurs qui peuvent vous bouffer, qui du coup vont pas vous toucher parce que vous êtes grand. Mais il faut atteindre une taille grande rapidement. Si vous restez étant juvénile ou petit, si vous restez longtemps de taille réduite, vous avez très peu de chances d'atteindre cette taille, d'être tranquille une fois adulte. Donc en fait, le gigantisme implique souvent une croissance en fait rapide. C'est ce qu'on observe aussi chez les grands sauropodes, les dinosaures à long cou, longue queue. Long cou, oui. La croissance, d'après les données qu'on obtient sur les os fossiles, la croissance de ces espèces-là était très rapide. Donc on a appliqué ça en fait aux oiseaux girafes du futur avec Marc. Alors il y a un magnifique colibri qui s'appelle d'ailleurs le colibri magnifique on connaît des oiseaux qui ont une plume très très longue avec un plumage tout au bout. Je ne sais plus leur nom. Il y a plusieurs espèces comme ça. C'est une sorte de décoration. Je crois qu'il y a des oiseaux lyres. Paradisiers. Certains paradisiers, voilà. Et lui, le colibri magnifique, Cosima, magnificens, ou magnificens. Magnificens. Magnificens. Il les a sur la tête, ces petites choses. Oui, on l'aime bien, celui-ci. Bon, ceci dit, on les aime tous, hein. Mais celui-là, on l'aime particulièrement parce que c'est la seule espèce de notre livre où c'est le mâle qui s'occupe des petits. Donc, on trouvait ça vraiment sympathique. Enfin, moi, j'aime bien cette idée. Et ce qui est intéressant par rapport au Cosima, c'est qu'il y a vraiment un dimorphisme sexuel très marqué puisque le mâle, lui, est inféodé à une seule plante sur lequel il reste toute sa vie et qu'il garde jalousement. D'ailleurs, il s'occupe des fleurs. Il a des parasites. Hein, en contrepartie, il peut manger son nectar, etc. Et les femelles, elles, sont nomades. Donc, elles ont une morphologie totalement différente du mâle qui, lui, plutôt s'agrippe avec des petites griffes, quoi. La femelle, donc, est une nomade qui va cavaler, en fin de compte, de mâle en mâle, évidemment chercher le plus beau, quand même. Et lorsqu'elle a jeté son dévolu sur un mâle, il s'accouple, donc elle monte sur son arbre, il la laisse monter, bien sûr, elle pond, et elle s'en va. Et lui s'occupe seul des petits. Bon, bah ça me fait penser, évidemment, au jacana, hein, avec des femelles qui sont polygynes. Donc, elles ont quelques petits mâles. Elles sont d'ailleurs toujours en train de se battre entre elles, les femelles, avec un gros dimorphisme sexuel. Et les petits messieurs se font rabrouer s'ils ne couvent pas bien. Alors, pour conclure, juste comme ça, mais comme une esquisse, quelque chose qui n'est pas dans le livre, il y a un animal que je trouve incroyablement perfectionné, c'est un monotrème. Vous avez une minute pour faire un petit dessin deux voix ou une. Qu'est-ce que pourrait devenir l'ornithorynque qui a, pour le mâle, des ergots sur les postérieurs qui délivrent du venin et des capteurs électromagnétiques au bout du bec, comme d'autres monotrèmes, d'ailleurs comme les kidnés. Qu'est-ce que ça pourrait devenir? Vous allez nous le rendre pélagique? Oui, bonne idée. Oui. Alors, toujours dans l'eau, toujours dans les mers. L'ornithorynque, c'est un casse-tête, parce que d'ailleurs, les premiers naturalistes qui ont ramené l'ornithorynque en Europe, bon, on les a traités de faussaires, parce qu'on pensait que c'était une chimère, tellement ça ressemble à une mosaïque, en fait, de caractère. Aquatique, pourquoi pas, totalement aquatique, amphibie, aquatique, mais alors il faudrait peut-être le faire marin. Donc bien. Là, avec une adaptation à l'eau salée, en plus, peut-être des glandes à sel. Imaginer l'ornithorynque du futur. Bah écoutez, merci. En tout cas, on peut peut-être vous suggérer de le mettre dans le volume 2, non? Comme ça, ça pourrait. Le volume 2 est en préparation. Bon, bah très bien. Merci en tout cas, Marc Boulet et Sébastien Steyer. C'était Continent Science. Merci bien sûr à nos auditeurs, à leur attention et à leur fidélité. Vos remarques et vos critiques restent toujours les bienvenues. À la console technique aujourd'hui, Edouard Rubinstein pour la documentation, bien sûr. Thierry Beauchamp et bien sûr pour la réalisation d'Annie Journaud, Stéphane Delisgeorges, Continent Science et Balado diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous vous reportez au site internet franceculture.fr à l'émission Continent Science. Demain, à la même heure, vous retrouverez René Friedman pour les révolutions médicales.